Selon la radio sud-coréenne KBS, le nouveau commandant des troupiers américains d'occupation sud-coréenne, Buruks, s'est présenté le 12 à Panmunjom pour souligner de maintenir le puissant état de commandement basé sur une plus solide base de l'Union sud-coréenne américaine, conformément au changement brusque de la situation dans la péninsule coréenne. Par ailleurs, le 4 dernier, Clay Poe, directeur de l'agence de renseignement d'État US aussi, a délibéré lors de sa tournée en Corée du Sud du projet de coopération face à une certaine provocation de notre part.